La doublette à venir nous fait déjà entrer dans l'aspect française avec Dragval de la formation Tourangelle de Melodic Pagan Death. Ils nous sortent là leur troisième effort studio Black Moon Falls. On s'écoutera le titre Lost Soul. Voilà, troisième album pour nos Vikings déceux Tourangeaux. Et ensuite, nous aurons les franciliens de Joe Craig avec un extrait de leur nouvelle EP, Balding Gallows. Il est déjà disponible, ce nouvel EP en autoprod, et on s'écoutera le titre Justice. C'est parti. Control, believe in my own delusion. La doublette suivante, c'est la première nouveauté française de ce soir, Inherits the Void, une toute récente formation qui nous vient de Clermont-Ferrand, un one-man band black metal. Au niveau des influences, on retrouve tout ce qui peut découler de la scène suédoise des 90s, Sacramentum Dissection en tête. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? On est sur des compos qui font à peu près 4-5 minutes en moyenne. Au niveau des inspirations également, on peut retrouver des formations françaises beaucoup plus récentes, type Regarde les hommes tombés et autres déluges. Musicalement, on est sur un black metal assez colérique et mélancolique. Donc voilà, au niveau des thèmes émotionnels abordés, c'est vraiment très très riche. Et puis l'atmosphère sur l'ensemble de l'album est super intéressante. En doublette avec Inherit the Void, nous retrouverons Morgue, le groupe de Gordes qui nous vient du sud du pays, qui sort un album qui avait vu le jour en 2016. Voilà, suite à une insatisfaction, le groupe a complètement réenregistré, repensé cet album. 8 titres pour 30 minutes de gore violence, c'est ce qui vous attend avec ce nouvel effort studio de Morgue. Inherit the Void, tout d'abord, on s'écoutera le titre The Impending Falls of the Stars, c'est le nom de l'album. Morgue, ensuite House of the Departed, extrait de l'album Lowest Depth of Misery. C'est parti. We'll be right back. continue à dérouler tranquillement cette spé française. Reigando, tout d'abord, nous sommes sur une formation qu'on vous diffuse depuis 2-3 semaines, si je ne m'abuse. On est sur un post-metal sludge qui nous vient de la région Rhône-Alpes, actif depuis une demi-douzaine d'années. Ils viennent là de sortir leur second album studio, un disque très généreux, hein, 12 titres pour une bonne heure de musique. On est dans une veine bien pesante avec des atmosphères et des lignes vocales à la Amenra, hein, donc criard et torturé. Et voilà, Reigando nous sort son nouvel effort studio sous le nom Après nous, le silence. En doublette avec Reigando, nous aurons la seconde nouveauté française, Achiavel, cette récente formation qui commence à faire beaucoup beaucoup parler d'elle. C'est du death metal, ça existe depuis 2008 et ils ont sorti fin décembre déjà leur troisième effort studio, toujours en autoprod. 10 titres pour une quarantaine de minutes, un death qui se veut à la fois moderne dans le son, un peu plus old school cependant dans les influences, ce qui nous donne un sacré mélange de brutal et de mélodie assez groovy. Le tout est mené par une excellente vocaliste qui est notamment passée pour des sessions dans Anthropophago. Voilà, et elle apporte toute la hargne qu'il faut pour parfaire ce petit mix musical. Achiavel, donc, nouvel effort studio, le troisième, intitulé Veni Vidi Vici, toujours en autoprod, on s'écouterait le titre Witchcraft. Et juste avant ça, Reigando avec le titre Everything is Under. C'est parti. Yeah! doublette suivante pour sortir de l'aspect française, du crade, puis du crade, tout simplement. Limbe, tout d'abord, une autre formation One Man Band qui nous vient de région parisienne. C'est la suite tout simplement de Blur Thrower qui a été actif entre 2014 et 2021. Blur Thrower était signé chez les Acteurs de l'Ombre. Limbe continue sur ce deal. 4 titres pour des compos qui vont de 7 à 15 minutes. On est sur un black assez rao dans l'approche, même au niveau de la prod. C'est minimaliste, c'est sombre, c'est violent. Et en doublette avec Limbe, nous aurons le trio de Brutal Slam Death chilien Esophagus, actif depuis 15 ans maintenant. Ils viennent de sortir là leur second album studio, 9 titres, 24 minutes. C'est ultra violent, c'est ultra efficace. Le visuel est signé Eliran Cantor. On a une superbe poêle Tefal à la caisse claire. Et puis, ma parole, un vocaliste, putain, qu'est-ce qu'il arrache. Écluse, c'est le nom du nouvel effort studio de Limbe, une sortie donc là de l'eau, de courbe et de peau. En doublette, Esophagus, une sortie Lord of the Sick Records, c'est contre le titre Disgusting Formless Icon, c'est le titre d'ouverture du nouvel effort studio Inglorious Being. C'est parti. La doublette suivante nous rapproche tranquillement de la fin de l'émission de ce soir avec la toute dernière nouveauté. Mais avant de découvrir la dernière nouveauté, on va s'écouter un titre de Veil of Emanation, groupe qu'on vous a fait découvrir la semaine dernière. C'est du doom ougandais qui existe depuis 2009. Ils viennent de sortir là leur troisième album studio. 6 titres pour 45 minutes de musique. Des compos assez généreuses qui rentrent cependant dans des durées habituelles pour le style. Un doom qui se veut européano-traditionnel, des tempos lents, un peu plus minimalistes dans les structures, assez groovy. En revanche, c'est vocalement que la différence se fait. On a des lignes claires mélodiques vachement bien maîtrisées et des passages où on est à deux doigts du growl avec également des beats de parole incantatoires. Voilà, un doom qui se veut assez classique dans l'approche avec un dynamisme cependant que l'on connaît moins dans le doom. En doublette avec Veil of Ammonition, on retrouvera End Ocean, le groupe de Black Sappho qui nous vient de Finlande, qui va nous sortir là son 6ème effort studio, une sortie sur label français Season of Mist. Rapidement, le groupe a été actif pendant une dizaine d'années, de 1995 à 2005, avec 4 albums sortis, hyper productifs les mecs. Le groupe a splitté ensuite. Une information a vu le jour en 2017. Le 5ème effort studio est sorti en 2020, et donc là, le 6ème arrive. 10 titres pour 50 minutes d'un black épique, grandiloquent, décousu au niveau des orchestrations, avec un fond quand même black, hein, bien frontal, avec des petites mélodies bien soignées. C'est diversifié, c'est convaincant, c'est cohérent. Bah, derrière, c'est des mecs expérimentés et efficaces, quoi. A noter qu'au niveau du line-up, on retrouve le vocaliste Mathias Lilmans, qui n'est autre que le chanteur de Fintroll depuis 2006. Donc voilà, pour présenter un peu plus la formation finlandaise. Veil of Ammonition, on s'écoutera Terminus, extrait d'album Immortalizing the Lugubrious Ordoth of Evolving Despair, and Ocean, the Collector in his Construct, extrait d'album As in Garden, So in Tombs, une sortie sur le français Season of Mist, apparaître le 27 janvier. We'll be right back. Doublette suivante, une doublette venue d'Afrique subsaharienne. C'est un split entre Overthrust et Chovu. Tout d'abord, Overthrust, une formation old school et primitif à la sauce old school Broken Hope et Cannibal Corpse. La formation nous vient du Botswana, existe depuis 2018 et ils viennent donc de sortir un split avec le groupe kényan Chovu. Chovu, en revanche, on est sur du blackening shamanic metal d'inspiration tribale kényane. Voilà, c'est ainsi qu'ils se décrivent. Donc, on est sur un fond black metal assez disparate, assez différent de ce qu'on peut entendre dans notre black metal d'influence européenne, si l'on peut dire. Un peu dominant, un peu occulte. Un peu décousu, encore une fois, mais ça reste super intéressant à écouter, Chovu. Voilà, donc juste avant ça, Overthrust, le groupe qui rigole zéro en termes de death metal bien primitif. Welcome to the Mortuary, extrait du split African Warriors. Et l'autre côté du split, c'est Chovu, on s'écoute le titre Into Dust. Et tout ça vient de sortir sur le label Masters of Chaos, un label colombien. Oh, Allez, c'est l'heure de se dire au revoir et de clôturer cette nouvelle émission Hellbanger. Vous étiez présents sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On se quitte avec la formation chinoise Demon Slot 666. Le groupe de Black Speed créé en 2020, qui vient de sortir là un second EP. 5 titres pour une grosse vingtaine de minutes. Musicalement, on peut coller ça à un Barbatos, Sacrificer et autres Terror Hammer. Au niveau du line-up, 4 musiciens, dont une femme à la guitare. Voilà, les présentations sont faites. Musicalement, on va s'écouter le titre Necromancer Under the Axe. A noter que l'album, c'est absolument parfait, s'intitule Necroslaughter Battlefield. C'est parti, excellente fin de soirée à toutes et à tous, et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.